Chapitre 104. Manger de ce qui est devant soi et exhorter et éduquer ceux qui mangent impoliment. 740. Omar ibn Abu Salama, radiallahu anhu, rapporte. J'étais encore un enfant sous la tutelle du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et j'avais l'habitude, pendant les repas, de promener ma main dans le plat. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, me dit alors, « Eh, garçon, dis bismillah, mange de la main droite et mange ce qui est devant toi. » Al-Bukhari et Muslim. 741. Selon Salama ibn al-Aqwa', radiallahu anhu, un homme mangea de la main gauche en présence du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. « Mange de la main droite, » lui ordonna le prophète, sallallahu alayhi wasallam. « Je ne peux pas, » répondit l'homme. « Puisses-tu ne jamais pouvoir, » dit-il à alayhi salatu wassalam. Seul son orgueil l'en avait empêché, et il n'a en effet plus jamais pu porter sa main droite à sa bouche. Muslim.